lingalam. Quand ta langue tangue, tangue le la, tu te retrouves comme hier, seul en manque de repères. Chante lingala, danse lingala, dans le vent. Les digues qui condamnaient tes ancêtres, toi enfant prodigue, renaître là. Pour la vie.